bas. Avec un Z enfoiré. Pas je se tourne frère. Jusqu'à la vie, jusqu'à la vie. Jusqu'à la vie. La 9ème chance. Jusqu'à la vie, l'usine mon cartel, ma descendance. Mon joyau, ma classe, une graisse en temps. Mon embus. 9 cette année, 9ème année, exercé dans le dojo. La 10ème chambre se cherche dans l'ombre pour moi et mes potos. 15 années d'écriture dans les côtes, t'aides à dérégler. Entrer dans ma secte comme dans ma tête, tu ne peux y pénétrer. J'ai jamais lâché mon équipe saine sous la pleine. Tu veux tester cette espèce de fils de fais tes pertes. Je pense à toutes ces années passées qu'on a vécues. Aujourd'hui, l'usine passe un cap, mais reste du côté rue. Tu peux mettre des cailloux sur nos chemins, même des roses et montagnes. J'ai des vrais soldats qui m'accompagnent. J'ai laissé mes couilles, j'aurais peut-être dû les ranger plus tôt. Un endroit, c'est à la crémation de notre studio. Respect à tout ce passé aux eaux, dernier rétro. Et on verra si cette année l'usine sort du ghetto. J'y ai donné mon âme, mon sang, ma chair et mon temps. Fais de nos mains mon ami de 10, de 20 et de 100. J'porte un toast et un hommage à l'agrandissement d'une secte. À la fin d'une usine de 9 mètres carrés, alors tu sais. Demain est un autre jour et crois-moi qu'on va le niquer. Je représente le Z et l'endroit qui nous a fabriqués. Une page se tourne, les précédents ont brûlé. Une décennie partie ensemble, le futur reste enflammé. 30 années que je tourne en rond comme un foutu vinyle. J'ai pas changé comme les coups de bâton des putes de civils. Et on n'est pas 10 000 à faire du son véritable. Je te laisse ma rage en héritage, car coup d'arme et périssage. Fabrique du fil à retordre pour nos adversaires depuis le début. Les blessures se ferment quand je garde les pieds sur terre, mec le sais-tu. On a tous commencé dans un rôle de montre chou. Entassé en sous-sol à faire nos armes, ramasse les touches. Car j'ai la patte qui n'ont pas le meilleur producteur du rap indé. Tu tournes la page, j'ai changé le livre, tu l'as même pas commencé. À ta fait comme des chinois parés, rien qu'on crache tes bombes. Studio de 9 mètres carrés, pareil que c'est pas la taille qui compte. Jamais demandé à qui que ce soit le moindre coup de main. On reste juste entre nous à faire du sale, alors écoute bien. Une page se tourne, l'usine reconstruit le temps. Les lames, les plumes s'aiguisent avec le temps. Les larmes et dunes n'arrêteront pas les vents. Voici la sec, mon enfoiré. Prends des cours de rap, prends des cours de rap. Prends des cours de rap, car ici personne nous rattrape. Prends des cours de rap, prends des cours de rap. Prends des cours de rap, car ici personne nous rattrape. Une page se tourne comme les baffes se donnent. Même si t'en fais des tonnes, t'es pas de la bonne école. Avant y'avait un code, un protocole. Don Rémi Fasol, j'rappe depuis la zone. J'ai pas croqué la pomme, j'ai spiqué la somme. Un minien à Satama, tata bega puta, ta mouka, semplina tuga, ta bibi, ta furta, ta bendi brak. Rapazinho, ma criado, son a guerra. Ta foda, dinheiro, pas tout d'une manière. Catastura, maluco, te traz, hipote, y'a pas casse. Tu mériterais quand on terre vivant. Avec un poil de bite entre les dents. L'usine, l'usine, l'usine, l'usine. Y'a rien de mieux, gros, c'est évident. Une page se tourne, l'usine reconstruit le temps. Les lames, les plumes s'aiguisent avec le temps. Les larmes et dunes n'arrêteront pas les vents. Voici la sec, mon enfoiré. Hein, toutes ces années, à gratter le studio, entasser les mégots, les barres de rire et les coups de barre de fer. Les relations se font et se défont malgré toutes les tempêtes. On est sur le pont pour le bon son. Les premiers enregistrements à l'œil, on aiguise le talent. C'est là où j'ai rec, c'est du lourd taras notamment. Des freestyles de bâtards, des kilos de shit, des impros 10 km. J'rappe au millimètre près. J'balance tes punchlines sans faire exprès. Laisse placer le sensei. Souffrance, connard. Combien de gens avant rentrant du sud? Pour des trucs pas bien graves, pour du stup. Du premier scud jusqu'à infini, le trajet est long. La coupe d'encre à la chaîne, prophétie sur le pont pour le bon son. La page tournée, on connaît la chanson. On enchaîne les textes comme des kidnappings sans rançon. Jusqu'à la ville, l'usine, mon cartel, ma descendance. Mon joyau, ma création, une graisse en temps.